chez la mère. Les vues changent mais pas l'équipe. Ah, et la rue la vraie c'est dans mes clips. Si t'as parlé de moi viens pas me parler de wesh. À la base des bases on avait pas envie de wesh. On voit des barrettes on attend dans la paye. On rate de se barrer on attend dans l'hiver. Mais je réussir à les faire taire. On voit la balle tout en reste à faire plaire. Je prends des cartes et tu veux nous faire peur. Si je les coupe plus je prendrais perpète. J'écris solo dans ma bulle 357 le label, belle belle belle. Moi je suis toujours dans la vue. J'assume pas la défense de la veille, veille, veille, veille. Faudra que tu payes, faudra que tu payes, payes, payes, payes. Où ça fera ben, ben, ben, ben. On a pas la même vie, on a pas les mêmes sommes, on fait pas le même flic. On a pas le même glock, on fait pas le même vice. Pas le même vécu, on fait pas les mêmes prix. Là les gars je suis dans le bank, y'a pas la même dose. Ah là c'est pas les mêmes flics, on a pas le même buzz, on fait pas les mêmes poses. Forcément c'est pas les mêmes pics. Ouais, j'suis dans le putain, putain, j'roule un putain de joint. J'veux mon putain, putain, j'connais même plus le frein. J'suis dans le putain, putain, j'roule un putain de joint. J'veux mon putain, putain, j'connais même plus le frein. J'connais même plus le frein. J'suis dans le putain de bank, c'est j'fume cette putain de merde. Au quartier j'suis flex, j'attends cette putain de guerre. Si c'est pas moi qui le fais, gros, dis-moi qui va le faire. Pas besoin de tes affaires, j'peux te fumer sur mon fer. J'suis dans le putain de bank, c'est j'fume cette putain de merde. Au quartier j'suis flex, j'attends cette putain de guerre. Si c'est pas moi qui le fais, gros, dis-moi qui va le faire. Pas besoin de tes altères, j'peux te fumer sur mon fer. Et j'suis jamais ça. A vrai dire, j'ai plus rien à perdre. Là, j'suis dans. J'fais des putains de pertes. Tu me verras pas changer dans ce putain de checks. Elle veut goûter la peufra à Bob Marley. Remplisse le queue, ça y bombarder. Les reprises, aille préparer. T'as fait les choses mal, là, t'as trop parlé. Et fils de putain, la putain t'arrasse. Ton corps, on le ramasse. La vie n'est pas rose. Tu veux pas ralasse, peut-on, on t'arrose. Ton corps, on le ramasse et on jette à l'eau. Tout est dans mes pensées, fils de pute. Gros, tu m'as lâché, t'es un fils de pute. Orienté, je vise le but. J'peux appliquer ta grand-mère pour un fils de pute. Tu passes pas le périmètre. J'descends, j'péris ma pro. On n'est pas des criminels nous, mais si tu parles trop y'aura des flashs pour Rocco. Bellec, y'a la papa Rocky, on n'est pas arrogant, on préfère les vocales. J'attends pas moi déjà parti, tu me verras partout, sous nous c'était partant. J'suis dans ce putain, putain, j'roule un putain de joint. J'veux mon putain, putain, j'connais même plus le frein. J'suis dans ce putain, putain, j'roule un putain de joint. J'veux mon putain, putain, j'connais même plus le frein. J'connais même plus le frein. J'suis dans ce putain de bank, c'est j'fume cette putain de merde. Au quartier j'suis flex, j'attends cette putain de guerre. C'est pas moi qui te fais gros, dis-moi qui va le faire. Pas besoin de tes affaires, j'peux te fumer sur mon fer. J'suis dans ce putain de bank, c'est j'fume cette putain de merde. Au quartier j'suis flex, j'attends cette putain de guerre. Si c'est pas moi qui le fais gros, dis-moi qui va le faire. Pas besoin de tes affaires, j'peux te fumer sur mon fer.